Et puis, juste cette phrase, Jésus parlait araméen, devrait nous faire réfléchir, OK? Sur la façon qu'on interprète les textes de la Bible, d'accord? Lorsqu'on parle de l'approche de l'herméneutique historico-grammaticale, hein? On s'est attardé là-dessus la semaine dernière. Dans certains milieux, on va plutôt parler de l'herméneutique historico-critique. J'ai spécifiquement, j'ai fait exprès de ne pas utiliser le terme critique parce que ça fait peur à des gens. Hein? Parce que, ah, on va critiquer la Bible, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'approche qu'on prend pour interpréter la Bible en est une où on tient compte du contexte, de l'étymologie, de plein de points comme ça qu'on va tenir compte en vue d'arriver à une bonne interprétation. Donc, on a dit, là, je cite cet auteur, Edelman, qui dit que les textes évangéliques sont un guide de libération, indiquant l'accès à une compréhension, un amour et une compassion véritable. Par-delà les doctrines, hein, on en a des doctrines, hein, si on dit, moi je pense que, moi je crois que, on est en train d'établir une doctrine, on est en train de dire, voilà ce que je crois, mon credo, hein, ma croyance est. Bon. Alors, l'auteur dit, par-delà les doctrines et les différents courants théologiques, puis là, parler différents courants théologiques, hein, on peut penser chez des évangéliques, pentecôtisants, charismatiques, non-évangéliques, épiscopaliens, il y a différents courants théologiques. L'auteur dit, au-delà de tout ça, parce qu'on va en arriver à l'essentiel, au-delà de tout ça, il me semble donc indispensable de retrouver en eux le mode d'emploi d'une discipline, d'une assaise, si tu veux dire une discipline, qui concerne essentiellement la vie mystique et contemplative. C'est bien de cela dont Jésus a parlé et qui correspond à la période de transmission directe que les spécialistes ont appelé le stade 1 de la tradition. Parce que plusieurs des pères de l'Église, au tout début, hein, dans les premiers siècles après, hein, le premier siècle du christianisme, les pères de l'Église ne mettaient pas en emphase tellement sur l'interprétation du texte par rapport à un credo, mais mettaient l'emphase plus sur une vie de contemplation. Donc, lorsqu'on parle du stade de la première tradition, c'est qu'en surface, c'était de développer une communion avec Dieu. J'ai dit la semaine dernière que l'approche purement contemplative, hein, si on s'en tient à ça, il y a un danger. Parce que l'approche purement contemplative évacue la dimension matérielle, politique, économique et sociale du royaume de Dieu, ou du projet de Dieu pour nous. Hein? Cette voie, ou cet itinéraire qu'on peut emprunter pour développer une communion avec Dieu, a besoin d'être complété par d'autres voies, hein, qui est celle de l'interprétation de l'herméneutique historico-grammaticale, qui est celle d'une vie de l'action sociale, de rentrer dans le projet de Dieu, que nos pensées deviennent des actions dans le monde. On n'en demeure pas juste à être des contemplatifs, comme hein, certains, dans certains groupes, on va mettre cette emphase-là. Puis on n'a pas besoin d'être dans un monastère pour être contemplatif. Il y a certains groupes évangéliques qui mettent un accent pur et simplement sur la relation, sur hein, tout ce qui est spirituel, on spiritualise tout. Hein. Il y a un côté pratique, un côté matériel par rapport au royaume de Dieu. Nous allons voir trois formes de méditation. Les deux premières, je ne m'arrêterai pas trop longtemps, parce qu'on en a déjà parlé. Lorsqu'on a examiné, si vous avez vu souvenir, il y a 2 ans, on a fait l'exercice de se mettre à la place de la femme qui avait été prise dans un adultère, et puis qu'on amène à Jésus, puis, hein, puis là, on a fait l'exercice de la visualisation, de se mettre à la place de, puis de voir comment que nous, on aurait vécu ça. Puis, hein? Enfin, on avait fait les deux premières, là, si on parle de la Lectio Divina, qui est mis de l'avant par l'ordre religieux des bénédictins, et puis Saint-Benoît, hein, qui disait que lorsqu'on lit l'écriture, mettons en phrase là-dessus, que lorsqu'on lit l'écriture, il faut la lire non pas pour développer un schéma de doctrine ou d'essayer d'approfondir doctrinalement la Bible, mais plutôt en vue de trouver une résonance par rapport à ce que nous vivons. Quelque chose qui nous interpelle et puis qui nous aide à développer une bonne relation avec Dieu. Fait que là, lui appelait ça la lectio divina, de pouvoir se mettre devant la parole, se mettre à l'écoute de la parole, non pas pour l'analyser, mais pour écouter et de voir quelle partie de cette parole m'interpelle dans ma vie. La deuxième, une autre forme, la visualisation, dont on l'a déjà pratiqué ici, c'est Ignace de Loyola qui préconisait cette forme-là. C'est lui qui avait fondé l'ordre des Jésuites. Et puis, Loyola préconisait d'entrer dans une histoire. Là, si on lit une histoire, peu importe l'histoire qu'on lit, de rentrer dans l'histoire, de se mettre à la place des personnages. On l'a fait. La troisième forme, dont je vais surtout vous entretenir ce matin, est une forme qui tient compte des deux premières. Hein, on retrouve la lectio divina, aussi bien que la visualisation, dans la forme que je vous propose, de la méditation par la mémorisation. La méditation par la mémorisation. Je suis en dette, hein? Je suis en dette envers Bill Dartle, même si j'ai pris un recul et une distance face à plein des choses qui enseignent des formes que ça a pris. Mais c'est lors des séminaires avec Bill Dartle il y a très longtemps, dans les années 70, que j'ai adopté cette méthode de méditer les textes de la Bible. On peut penser à Josué, chapitre 1, verset 3, juste pour vous donner un arrière-plan biblique, hein, à la méditation par la mémorisation. Dans Josué 1, 3, Dieu va dire à Josué, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Alors le mot qu'on retient ici, là, c'est que Dieu va dire à Josué, « Médite-les. Médite-les jour et nuit. » On peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut méditer jour et nuit? Par la mémorisation. On va revenir là-dessus tantôt. Dans le psaume 1, versets 1 et 2, un psaume que j'aime bien, un psaume que j'ai mémorisé par cœur. Peut-être que vous l'avez aussi mémorisé, parce que c'était un psaume que... Mais ça dépend pourquoi on le mémorise, on va revenir. Lorsque le psalmiste dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Encore là, comment peut-il méditer jour et nuit? Le psaume 119. Là, il y a plusieurs versions. J'en ai retenu quelques-uns qui font référence à la méditation. Un peu ce que Daniel a fait tantôt avec le mot jour, hein, les jours de nos vies. Ben, tout le psaume 119 traite de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu. Et le psalmiste va dire, verset 11, « Je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas m'écarter, afin de ne pas errer, hein? De ne pas manquer de but. Je cache ta parole dans mon cœur. » Verset 15, « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Constamment, constamment j'y pense. Verset 16, « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Comment faire pour ne pas oublier la parole? Verset 97, « Oh, que j'aime ta loi, je la médite tous les jours. » Encore là, comment méditer tous les jours? Dans le Nouveau Testament, Paul, dans sa lettre à la communauté de Corinthe, Romains 12, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Le renouvellement d'intelligence. Le renouvellement. Là, il va dire, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Hein? Ne vous laissez pas modeler par le monde. Les valeurs du monde. Ce n'est pas, tellement seulement les activités du monde, c'est les valeurs. On parlait tantôt des gens d'affaires. Ces hommes qui dirigent de grandes entreprises comme British Petroleum. T'imagines un chrétien qui travaille chez British Petroleum, gravit les échelons, puis devient le président de British Petroleum. Hmm? Comment est-ce que dans les affaires, on peut hein, laisser notre pensée, notre esprit être modelé par les valeurs